CKRL.qc.ca. The universe. Québec. And something started in my soul. Salut à toi, cher auditeur. Salut à toi, chère auditrice. C'est Web Musique qui débute. Donc, une émission qui vous propose plein de musique en téléchargement gratuit. Mon nom est Simon Roy. Je vais être avec vous pour la prochaine heure. Je vais vous faire passer de la musique, surtout à tendance électronique, ce soir. On va débuter avec un artiste du nom de Squin & Seward. Je vous fais entendre la pièce Throwing the This. C'est publié sur l'excellente étiquette Phonotactics, une étiquette qui est portugaise. Beaucoup d'albums tendance, comment je pourrais décrire ça? Peut-être un peu expérimental, hip-hop, un peu dans ces eaux-là, un peu de cut and paste aussi. Donc, des albums vraiment intéressants. Je vous invite à faire un tour sur le site de Phonotactics. Plein de bons albums vraiment agréables à découvrir. Donc, tout de suite après Squin & Seward, je vous fais entendre une pièce qui est publiée sur la compilation Breathe 6 sur Breathe Compilations. C'est une étiquette qui propose souvent des compilations assez mollo, donc toujours intéressant comme choix musical sur Breathe Compilations. Je vous fais entendre une pièce par le duo Oyokan et Jaguar Nautal. C'est la pièce Sombre Quattro Aguas. On va entendre ça tout de suite après la pièce de Squin & Seward. Thank you. Thank you. un peu de dub aztèque à web musique. C'était donc une pièce par le duo donc qui s'est composée de Hurricane et Jaguar Nautal, donc c'est la pièce Sobre Cuatro Aguas. C'était donc deux artistes du Mexique qui publient sur Breathe Compilations. La compilation s'intitule Breathe 6. C'était donc une pièce vraiment excellente. Il fallait absolument que je vous la fasse passer. Avant ça, de la ville de Manchester en Angleterre, c'était Squin and Seaworth avec la pièce Throwing the This. C'est publié ça sur Phono Tactics. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez les télécharger de façon gratuite. C'est assez simple. Vous allez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous avez donc accès aux liens vers les artistes, vers les albums. Vous pouvez télécharger tout ça et en profiter. Donc, tout ça, c'est gratuit. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Toronto du nom de Mad Slow, publié sur Dusted Wax Kingdom. Je vous fais entendre sa pièce Violence, Part 11 and 12. Ensuite de ça, sur NKS International, c'est un artiste des Pays-Bas du nom de Cold Metal Future. Je vous fais entendre la pièce Walls Inside Us. Donc, on écoute ça à Web Music. On débute tout de suite avec Mad Slow. My life has been stolen from me. Living in a town I have no wish to live in. I'm living a life I have no wish to live. We'll be right back. Toujours à l'antenne de CKRL 89,1 à l'émission Web Musique. Donc, c'était un artiste des Pays-Bas, c'est Cold Metal Future avec sa pièce Walls Inside Us, publiée sur NKS International. Avant ça, de Toronto, c'était Mad Slow avec sa pièce Violence Part 11 and 12, publiée sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. Je vous invite pour la suite à entendre une pièce de l'artiste colombien Numa. C'est la pièce 229. C'est publié sur Series Media, un net label que je ne connais pas vraiment. Ils ont l'air d'avoir du matériel intéressant, donc on va approfondir ça pour les prochaines émissions. Donc, c'est ça. On écoute Numa avec la pièce 229. Thank you.

C'était une pièce de Mayhem Perception. La pièce s'intitule « Soleil d'hiver ». C'était publié sur Pavilion 36 Recordings. C'était tiré de leur album « Out of the Brain ». Avant ça, on entendait Minnie Mouse avec la pièce Jim Pies. Je sais pas, c'est peut-être ça. En tout cas, c'était donc publié sur OnMix Music. Pour la suite de Web Music, je vous propose un groupe de Toronto qui va être en spectacle à l'Agité le 31 mai prochain. Il s'agit de Bad Bad Not Good. Venez faire un tour, allez voir ce show-là, ça va être vraiment excellent. Je pense que l'Agité va complètement exploser. Je vous fais entendre la pièce Bastard Lemonade. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute ça à Web Music. Thank you. Wow, imaginez entendre ça live. Donc, ça va être possible le 31 mai prochain à l'AJT. C'était Bad Bad Not Good avec la pièce Bastard Lemonade, un groupe qui nous vient de Toronto. Ça va déjà être tout, malheureusement, pour Web Music. On va se quitter sur une dernière pièce. Mais c'est ça, après, ça sera pas l'émission Beau temps, mauvais temps avec Guy Tremblay. Ça va plutôt être une sélection de notre directeur musical, Daniel Marcoux. Guy, donc, pouvait pas se présenter cette semaine. Je vais vous faire passer une dernière pièce, donc, de Heidi Mantle. La pièce s'intitule Play Hard. C'est publié sur Housefly Records. Oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Web Music pour télécharger toutes les pièces entendues. Donc, allez au www.webmusic.ca et téléchargez tant que vous pouvez. On se quitte donc sur Heidi Mantle, la pièce Play Hard, et je vous donne... Non, pas rendez-vous la semaine prochaine, je ne serai pas là, je vais être à Victo, donc dans deux semaines, Web Music vous revient.